La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. On va parler de boxe. On vient de parler avec Bernard Barré du combat de Jean-Pascal contre Aldéa Alvarez. Là, maintenant, on va parler d'un gala de boxe qui a lieu à Mastouillache en fin de semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gala de boxe dans la région, dans le Haut-du-Lac, mais ça marche beaucoup. On parle avec le promoteur Danny Desbiens. Salut, Danny. Salut. Danny, ça va bien. Belle initiative du club de golf de Mastouillache. Est-ce que tu t'attendais d'avoir une telle engouement? Parce que ça va bien, là. Ah oui, je m'attendais. Ici, tout le monde au Lac Saint-Jean, ça collabore beaucoup pour les galas de boxe. Puis, j'ai réussi à placer tous mes boxeurs. En fait, on va avoir 8 combats. OK. De chez nous, mais on attend à peu près 12 combats en tout. OK, 12 combats. C'est, évidemment, c'est de la boxe amateur. De la boxe amateur, c'est 3 rounds, oui. C'est ça? 3 rounds de 2 minutes. OK. OK. Hey, dis-moi, la boxe amateur a été... la boxe olympique, ils ont fait l'abolition du casque. Est-ce que c'est la même affaire? Est-ce que le casque, c'est aboli dans les sections ou des divisions comme des galas comme vous avez présenté à Mastouillache? Non. Le casque est obligatoire. Ça, c'est quand tu es rendu à faire des rondes de 3 minutes. OK. 4 rondes de 3 minutes, tu as le droit de ne pas porter de casque. OK. Mais la boxe, quand tu es amateur, tu fais des rondes de 2 minutes, de 3 rondes, et le casque est obligatoire. OK. Parle-moi maintenant du côté du gala. Combien il va y avoir de parler de 12 combats, et ça met en vedette quel boxeur? Samuel Blacksmith. Okay. Mon combat final comme Serge Ntetu. Serge Ntetu qui est le frère de Francis Ntetu, c'est ça? En plein ça. Oui. C'est un combat à voir. J'ai aussi Jérémy Paul Germain. OK. Notre cogneur du club. Mathieu Grégoire. Après ça, c'est. Les autres, c'est tous des débutants, les premiers combats. OK. Sergi, le frère de Frenzy, c'est un gars qu'on dit qu'il a beaucoup, quand même passablement de potentiel. Est-ce que ton poulain peut quand même y donner une chaude lutte? Oui. Oui? Oui, il va avoir la vidéo. OK. Ouais. Dis-moi. Oui. Comment qu'on fait pour en tant que promoteur pour organiser des combats comme tels et placer ces boxeurs? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui. Tu décides, c'est tel qui va combattre, c'est tel qui va combattre. Comment qu'on fait, hein? La boxe, c'est plus comme va monter. Aujourd'hui, là, si t'as 11, un exemple, si t'as 11 ans, t'as pas le droit de te battre comme un gars de 15 ans. Tu vois, 12, 11 ans, le même poids, c'est libre de différence. Tant de combats, c'est ça qui marche en fait. Quand tu arrives dans le Clash Open, 20 combats et plus, t'as plus que 20 ans, il n'y a pas de problème. Là. Tu peux te battre comme un gars de 30 ans, 40 ans, mais quand tu es jeune, en haut à l'aise jusqu'à 18 ans, il y a un ou deux ans de différence, 6 livres de différence, c'est pas plus que ça. Puis, là-bas, c'est rendu assez tout structuré aujourd'hui. Là. Oui, dans mon temps, tu peux avoir 17 ans, mais te battre avec un gars de 25 ans, mais aujourd'hui, ça marche plus. OK. Puis c'est-tu dur à placer? J'imagine que de la manière que tu me comptes ça, c'est... Oui. C'est très dur à placer, mon ami. OK. Puis trouver un adversaire aussi, là. Oui. OK. Des fois, on plie un peu, on fait des combats d'exhibition. C'est des gars qui ont peut-être plus de combats, mais c'est des combats de filles. Ça compte pas pour un vrai combat, mais c'est un... Ils vont boxer pareil. Ils font du spinning pareil, puis... OK. Comme ça marche. Dis-moi, parle-moi maintenant de la vente des billets. J'ai lu ton article dans le journal Le Quotidien. Il me disait que ça allait super bien. Oui. Comment tu vas être dans le monde? Je m'attends à avoir au moins 6 à 700 personnes. Oh, c'est fort. Oui, j'ai déjà au moins 400 billets vendus, là. Regarde ça. Mes tables de VIP, j'en ai plus, sont toutes vendues. OK, OK. Ouais. Et sais-tu tous tes boxeurs du club de Masfiage? Parce que je sais que tu viens de Dolbeau, t'as déjà été en charge d'un club ici à Dolbeau. On en parlait hier, je pense que c'est pas mal rendu difficile. Mais je pense qu'il y a un boxeur de Dolbeau qui va se battre, hein? Oui, oui. Je ne me souviens plus de son nom, mais il y a un boxeur du club Éric Girard qui va boxer. OK. C'est ça. OK. Donc, c'est de connaissance, c'est le premier gala à Mastouillage. Demain, c'est tel enthousiasme et cette telle réponse du public et des commanditaires. J'imagine qu'il va en avoir d'autres? Oui. C'est le premier, mais c'est pas le dernier. Okay. C'est pas une collaboration aussi avec avec Mastouillage aussi. Fait que, OK. Michel, vous avez fait un clin d'œil, vous avez mis Michel Desgagnés comme président d'honneur, qui est un excellent choix d'ailleurs, là. Parle-moi du choix de Michel Desgagnés. Pour quelle raison vous l'avez pris comme président d'honneur? Michel, son 50e. Oui. Il a commencé pas 50 ans à faire de la boxe, s'est entraîné. Puis son premier entraîneur, il venait de Mastoillage. OK. Puis c'est un homme qui donne beaucoup à l'amateur. Oui, c'est un passionné. C'est vraiment un passionné. Gladiateur de boxe amateur au Lac-Saint-Jean. Et au sein du Lac-Saint-Jean, oui, effectivement. Ben, Danny, félicitations, bravo. Et lundi, j'aimerais avoir les résultats si possible. Oui, tu vois les résultats. Puis bienvenue à grand nombre. Il nous reste encore 300 billets à vendre. Fait que, tu penses-tu, j'imagine, oui. pas 30 à 800, mais j'imagine, t'es-tu confiant au moins d'en vendre encore 150 facile? Oui. Est-ce que là, présentement, est-ce que t'es break-even? Tu sais ce que tu veux dire par là? Ça veut dire, est-ce que actuellement, en tant que promoteur, est-ce que tu vas faire... T'es déjà assuré de faire tes frais? Oui. OK. À date, on fait nos frais. OK. Oui, bon, oui on est arrangé, nous autres, qu'on vend nos tables de VIP, c'est souhait de payer nos frais. OK. Ben. Avec des commanditaires. Oui, effectivement. Ben, félicitations, Danny, puis lundi, on s'en reparle. Oui, mon cher Danny. Bonne fin de semaine. Donc, le promoteur du club de boxe de Mastouillage et HMM Dolbeau, ça signe Danny Debbie.